Section 113 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 2e. Section 113. Mensonge, par Paul Bourget. Chapitre 9. Une comédienne de bonne foi. Deuxième partie. Après-demain, donc, se disait Suzanne en longeant le trottoir de la rue du Mont-Abord, et jetant avec précaution ses regards de l'un et de l'autre côté, avec tant d'art qu'elle paraissait ne pas remuer ses yeux. « Je suis bien sûre d'être seule. » Mais quel prétexte donner à René? Elle l'appelait déjà de ce nom dans sa pensée. Pour le faire venir? Bon. Quelques vers à copier pour une dame sur un exemplaire du Sigisbée. Elle passait rue Castiglione, devant une boutique du libraire. Elle entra pour acheter la brochure. Elle était dans un de ces instants où l'action suit la pensée avec une rapidité presque mécanique. Pourvu qu'il ne commette pas d'imprudence jusque-là. Pourvu qu'il continue de m'aimer et que personne ne lui dise du mal de moi. Elle se représentait de nouveau Claude. Ah, c'est là encore un danger, pensa-t-elle. Et elle aperçut aussi le moyen de l'éviter, pourvu qu'elle vit René auparavant. Elle réfléchit qu'elle ne savait pas l'adresse du jeune homme. Elle n'avait qu'à rendre visite à Madame Komoff. Elle est justement chez elle après 6 heures. Elle avisa un fiacre et se fit conduire rue du Bel Respiro. Elle eut la chance de trouver la comtesse seule et n'eut pas de peine à obtenir le renseignement qu'elle désirait. L'excellente femme, dont la soirée avait réussi, ne tarissait pas sur son poète. « Idéal, » disait-elle avec ses grands gestes. « Ravissant et modeste. Ce sera votre Pouchkine de la fin du siècle. »« Savez-vous où il habite ?» insinua Suzanne. « Il est venu me voir et il a laissé son nom, simplement. » Quand son billet fut écrit et envoyé, elle vécut dans cette incertitude dont l'amour naissant se nourrit si bien que les professeurs en séduction recommandaient d'abord de provoquer cette fièvre, du temps que ce vice étrange et tout intellectuel était à la mode. René viendrait-il? Ne viendrait-il pas? S'il venait, comment entrerait-il? Elle verrait bien au premier regard si aucun nuage n'avait terni le clair souvenir qu'elle était sûre de lui avoir laissé d'elle à leur entrevue de l'autre jour. Enfin, l'heure qu'elle avait fixée dans son billet arriva, et quand le domestique introduisit le jeune homme, son cœur à elle battait peut-être plus vite que celui de son naïf amoureux. Elle le regarda et elle vit jusqu'au fond de son être. Oui, elle était toujours pour lui la madone qu'elle s'était improvisée dès le premier jour, avec cette souplesse dans la métamorphose qui distingue ses protées en jupons. Il avait, dans ses prunelles d'un bleu sombre et tendre, le plus touchant mélange de joie et de timidité. Joie de la revoir si vite, appelée par elle, dans ce même petit salon. Timidité de comparaître devant cet ange de pureté après s'être permis de la chercher à l'opéra et de l'attendre au coin de sa rue. La gracieuse comédienne avait, cette fois, arrangé à sa beauté un autre décor. Elle était assise auprès de la fenêtre, qui travaillait à un ouvrage. Une espèce de frange qui se parfile avec de la soie et des épingles piquées sur un tambour de drap vert. Derrière elle, les rideaux de guipure, relevés par leur embrasse, laissaient apercevoir à travers la vitre le fond de paysage du parc Monceau, l'azur pâle du ciel, les arbres gris, le gazon jauni et, du côté des ruines, la noire verdure des lierres. Un soleil de février éclairait ce paysage frileux, et ses rayons caressaient les cheveux de Suzanne avec de doux reflets d'or. Une robe faite pour la chambre, blanche avec des applications violettes d'une forme fantaisiste, et garnie de larges manches ouvertes, lui donnait une physionomie de châtelaine du Moyen-Âge. Ses pieds, chaussés de bas de soie, de la même nuance que les applications de la robe, se croisaient modestement sur un tabouret. Si on lui eût rappelé que, moins de 48 heures auparavant, ses mêmes pieds modestes erraient sur le tapis d'un entresol infâme, que ses mêmes cheveux étaient maniés par un amant âgé qui la payait, qu'elle était enfin la maîtresse vénale de Desforges, peut-être eût-elle répondu non à ce souvenir, et avec sincérité, tant le désir de plaire à René la faisait entrer dans le vrai et dans le vif de son rôle actuel. Le poète n'y voyait pas si loin. Il avait passé 3 jours dans une exaltation continue, sentant son désir grandir, grandir, et si heureux de le sentir. À 25 ans, l'approche de la passion attire, autant qu'elle effraie à 35. Le billet de Suzanne lui avait mis aux mains une preuve palpable que les petites imprudences dont il se faisait un crime n'avaient pas déplu. Toutefois, quand il s'agit de ce qui nous tient au cœur très profondément, nous trouvons toujours de nouveaux motifs pour douter, et ce grand enfant avait eu la naïveté de trembler sur l'accueil qui lui était réservé. Aussi, quelle délice de rencontrer le geste de simple familiarité, les yeux clairs, la douceur du sourire de cette femme qu'il compara aussitôt, dans son esprit, assise ainsi au premier plan de ce paysage d'hiver, à ces saintes derrière lesquelles les peintres primitifs développent un horizon d'eau et de verdure. Mais c'était une sainte à qui le premier couturier de Paris avait taillé cette robe, une sainte qui secouait à chaque mouvement le même parfum d'héliotrope qui avait déjà tant troublé le jeune homme. Cette sainte laissait voir à travers l'échancrure de sa longue manche ouverte un bras autour duquel tremblaient deux anneaux d'or et dont le duvet fauve brillait dans le soleil, comme ses cheveux, délicieusement. Ce que René avait tant appréhendé n'eut pas lieu. Madame Morin ne prononça pas un mot qui fit allusion ni à l'opéra ni à leur rencontre au tournant de la rue. Durant ce début de visite, elle continua de travailler, assise devant son ouvrage, ayant amené la conversation tout naturellement à propos de l'enthousiasme de Madame Komoff sur les projets d'avenir du jeune homme. Elle parlait, elle qui n'aurait pas su distinguer Béranger de Hugo ou Voltaire de Lamartine, comme une personne occupée uniquement des choses littéraires. Elle avait rencontré Théophile Gautier deux ou trois fois sous l'Empire, et, d'ailleurs, à peine regardé, tant elle le trouvait dépourvu d'élégance britannique, ce qui ne l'empêcha pas, ayant deviné l'enthousiasme de René, de lui décrire le grand écrivain en détail. Il l'avait tant intéressée. Elle devait même avoir des lettres de lui. « Je vous les chercherai, » dit-elle. Puis, prenant texte de ce mensonge, « Je me suis reproché de vous déranger pour vous demander un autographe. Mais mon ami part demain pour la Russie. Que dois-je écrire ? » fit le jeune homme. « Ce que vous voudrez, » dit-elle en se levant. Elle alla chercher la brochure, puis elle l'installa au mignon bureau encadré de lierre. Elle préparait toutes choses pour lui rendre la tâche plus commode. Elle ouvrait l'encrier à fermoir d'argent. Elle assurait la plume dans le porte-plume des cahiers d'or. Ce faisant, elle frôlait René. Elle l'enveloppait du frisson de ses manches, du parfum de toute sa personne, si bien que la main du poète tremblait un peu en copiant. Sur la feuille de garde de l'exemplaire, la chanson en deux strophes que la bonne Madame Étorel avait qualifiée de sonnet. Le spectre d'une ancienne année m'est apparu, tenant au doigt une blanche rose fanée, et, murmurant à demi-voix, « Où donc est ton cœur d'autrefois ? Où donc est l'espérance, éclose, comme cette rose en ton cœur ? Douce espérance et douce rose, ah, quel parfum était le leur, quand toutes deux étaient en fleurs. » Lorsqu'il eut fini de tracer ses lignes, Madame Morin lui prit des mains le livre, et, debout derrière lui, comme se parlant à elle-même, elle récita les deux strophes d'une voix adoucie, presque insaisissable. Elle ne prononça ni un mot d'éloge, ni un mot de critique. Elle resta silencieuse, après avoir soupiré ses vers, comme si leur musique caressait dans sa rêverie une place infiniment douce. René la regardait avec une émotion presque folle. Comment eût-il résisté à cette suprême, à cette adorable flatterie qu'elle venait d'imaginer pour séduire le jeune homme, et qui s'adressait d'une part à sa secrète vanité d'artiste, de l'autre à sa plus fine sensation de beauté, car elle avait su si bien se poser pour dire ses vers. Elle savait trop le charme de son visage ainsi aperçu de trois quarts, les yeux perdus. Ils se rabaissèrent vers le poète, ses beaux yeux que venaient d'émouvoir ses vers. Pour un peu, ils auraient demandé pardon du songe où ils s'étaient égarés. Elle sembla écartée, comme pour ne pas les profaner, sa vision de poésie, et, avec une curiosité aussi réelle cette fois que cette émotion d'art avait été apparente, « Je gagerais, dit-elle, que vous n'avez pas écrit ces vers pour la comédie. »« C'est vrai, » dit René, qui se sentit de nouveau rougir. Il se serait fait un scrupule de mentir à cette femme, même pour lui plaire. mais comment lui raconter l'indigne histoire dont il avait, avec ce pouvoir de transposition dans l'idéal propre au poète, résumé la mélancolie dans cette romance. Ah, vous autres hommes, reprit-elle sans insister, comme vous allez et venez dans la vie, comme vous êtes libres. Du moins, ne prenez pas cela pour une plainte. Nous autres, épouses chrétiennes, notre rôle est d'obéir, c'est le plus beau. Puis, après un silence, hélas, nous ne choisissons pas toujours notre maître. Elle ajouta avec une intonation de voix résignée et fière qui autorisait et interdisait à la fois toutes les réflexions. Je regrette tant de n'avoir pu encore vous présenter à Monsieur Morène. Vous savez, c'est un homme charmant. Il ne s'occupe pas beaucoup d'art, mais il a de grandes capacités pour les affaires. Malheureusement, nous vivons à une époque où il faut être d'Israël pour monter très haut. Suzanne, depuis une année, croyait devoir à ses relations de prendre part à la campagne antisémitique qui commençait à se mener dans quelques salons. Elle avait pensé que cette phrase compléterait bien la nuance de religiosité qu'elle voulait se donner au regard du jeune homme. « Vous trouverez mon mari un peu froid au premier abord, » continua-t-elle. « Mon rêve était d'avoir un salon d'écrivains et d'artistes. Mais vous savez, ces messieurs sont un peu jaloux de vous. Et puis M. Morène n'aime guère le monde. Il n'était pas là l'autre soir. Il ne se plaît que dans la plus stricte intimité, parmi des visages connus. » Elle parlait ainsi, avec un air de contrainte qui semblait dire à René « Pardonnez-moi si je ne peux vous prier chez moi comme je voudrais. » Il signifiait aussi, cet air de contrainte, que la gracieuse femme avait dû, oh, sans se plaindre, être sacrifiée dans son mariage à ces froides considérations sociales qui ne tiennent aucun compte du sentiment. Déjà dans l'imagination de René, l'aimable, le jovial Paul Morène se dessinait comme un mari quinteux et difficile à vivre, auquel cette créature de race supérieure était liée par la chaîne meurtrissante du devoir. Il éprouva pour elle, par-dessus la passion qui le possédait, un de ces mouvements de pitié que les femmes aiment d'autant plus à inspirer qu'elles les méritent moins. Il osa dire, sauvant par la généralité de l'idée ce que sa réponse avait de trop direct. « Si vous saviez, madame, combien de fois je me suis pris, lorsque le hasard de mes promenades m'amenait aux Champs-Élysées, à souhaiter d'être dans la confidence des mélancolies que je croyais surprendre sur certains visages. J'ai toujours pensé que les chagrins dans le luxe, les détresses morales au milieu de la félicité matérielle, devaient être les plus à plaindre. » Elle le regarda, comme si elle eût été surprise par ce discours. Elle avait dans les yeux cet étonnement ravi et involontaire de la femme qui rencontre soudain chez un homme l'expression inattendue d'une nuance sentimentale qu'elle croyait uniquement réservée à son sexe. « Je crois que nous deviendrons vite amis, » dit-elle, « car nous avons des coins de cœur bien semblables. Êtes-vous comme moi? Je crois aux sympathies et aux antipathies de premier instinct, et je crois sentir aussi quand on ne m'aime pas. Ainsi, j'ai peut-être tort de vous dire cela, mais je vous parle en confiance, comme si je vous connaissais depuis toujours. Votre ami, Monsieur Larcher, je suis sûr que je ne le suis pas sympathique. » Elle était vraiment émue en prononçant cette parole. Elle allait savoir, d'une manière certaine, non pas si Claude avait mal parlé d'elle, elle avait deviné que non dès l'entrée, mais si René était discret. Elle n'ignorait pas que, dans un amour, les moments dangereux pour les imprudentes confidences sont les heures du début et celles de la fin. Il n'y a de sûr que les hommes capables de se taire quand l'espérance ou l'amertume leur déborde du cœur. Par la réponse de René, elle allait juger toute une portion de son caractère, et, dans le projet d'intrigue follement rapide qu'elle caressait déjà, c'était un facteur capital de cette sûreté du jeune homme. Il était trop naturel qu'il eût, dès le premier jour, entretenu Claude de sa passion naissante, et il l'aurait fait sans la présence de Colette. Pour Suzanne, qui ne pouvait pas tenir compte de ce détail, ce silence était une promesse de discrétion qui lui fait Chotas recevoir. « Nous n'avons pas parlé de vous ensemble, » dit le jeune homme. « Mais, comme vous le disiez trop justement l'autre soir, il a toujours eu la spécialité des tristes amours, et il apporte dans le monde les mélancolies de cette sorte d'existence. » Si vous le voyez avec celle qu'il a le malheur d'aimer aujourd'hui. « Ce n'est pas une raison, » dit Suzanne pour se venger des autres en leur faisant la cour au hasard. « J'ai presque dû me fâcher, » un jour que je me trouvais à table à côté de lui. J'ai su qu'il avait dit du mal de moi, mais je lui pardonne. » Et maintenant, Claude peut parler, songeait-elle, quand René se fut en allé sur la promesse de revenir dans 3 jours, à la même heure, avec le recueil de ses vers inédits. Et elle se regarda dans une glace avec un entier contentement d'elle-même. Cette entrevue avait réussi. Elle avait fait comprendre à René qu'il ne pourrait guère être reçu chez elle. Elle l'avait mise en défiance contre son meilleur ami. Elle avait achevé de l'affoler. « Il est à moi, » se dit-elle. Et cette fois, elle était sincère dans sa joie profonde. Fin de la section 113, lue par Stéphanie.